que du mal des autres. C'est dire, c'est dire que ça. C'est dire que du mal des autres. C'est dire que ça. C'est dire que du mal des autres, je voulais que de balayer devant ma porte.